sa croix comme pour Jésus-Christ. Le salut sur lui, pour alléger la sienne mon peuple prie. Son fardeau se lit sur sa peau et dans ses traits s'écrit les causes de tant de haine, les différences même déguisées. Apparaissent à même l'épiderme, coutume d'exister dans les yeux d'autrui, voulant être pote avec celui qui trie. Les billets pour le paradis ne viennent pas par le crime, mais s'ils s'obtiennent par la peine, les caucasiens seront pas prunes. Qu'est-ce qui détermine le destin? Est-ce les actes? La mélanine empêche-t-elle d'aller loin? Non, mais constate qu'un homme de couleur part de plus loin. C'est pas un handicap, leitmotiv pour qu'ils nous sentent quand on les fuck. Petit, entends-moi bien, déchire la fac. Utilise ta tête mais reste vrai. Faut être fier de chacun de tes traits parce qu'ils sont ton identité. Et quand bien même t'essaierais de les effacer, les cacher, t'inquiète, un de ces quatre, un blanc viendrait te les rappeler. Tu restes un nègre ou un bougnoule, et rien ne change, t'es étranger partout. Tu déranges, t'es qu'un nègre ou un bougnoule. T'encaisses ou tu rebelles, c'est du pareil au même dans leurs yeux. Mais pour nous les nègres ou les bougnoules, rien ne change, alors autant se battre jusqu'au bout et les déranger. Nègre ou bougnoule, on est mal aimé, on le sait, alors battons-nous. Yep. Les préjugés nous poussent à l'extrême, on nous opprime, galère de taf, clichés, problèmes. La vie nous brime, est-ce que nos racines sont criminelles? Est-ce que c'est inscrit dans nos gènes? Qu'est-ce qui nous prédestine à être victimes? Qu'est-ce qu'on a fait pour pas qu'on nous aime? Le fait qu'on veuille pas être pauvre, c'est ça qui vous gêne? Dans votre monde où votre système rationne la dignité humaine, où tout se paye, du prix de l'avocat souvent dépendra la durée de la peine. Pour tenir il faut avoir du gain, faut faire du bif, à croire que c'est tout ce que les hommes comprennent. Mais même riche, on reste des négros ou des bougnoules à leurs yeux. Après toute cette haine, certains se plaignent qu'on s'intègre pas. M'intégrer comme quoi? Comme un basané à l'âme javelisée, espérant parader au bras d'une blanche sur les Champs-Élysées. Non, poteau, j'ai déjà essayé, mais mieux vaut mourir libre plutôt que vivre prisonnier. Je reste un nègre ou un bougnoule, et rien ne change, je suis étranger partout. Je dérange, nègre ou bougnoule, j'encaisse ou je rebelle, c'est du pareil au même dans leurs yeux. Mais pour nous les nègres ou les bougnoules, rien ne change, alors autant se battre jusqu'au bout et les déranger. Nègres ou bougnoules, on est mal aimé, on le sait, alors battons-nous. Ok, pourquoi les rebeux aiment piner les blacks? Ne se marient pas avec, comme les mamans blanches veulent pas que leur fils ramène une beurette. Pourquoi trop de renois préfèrent une blanche moche à une sœur fraîche? Pourquoi c'est complexe? C'est peut-être qu'on nous a menti depuis le début. Si nous avait dit Moïse n'est pas Charlton Heston, on aurait su que pas être blanc n'est pas un délit. Mais la couleur joue tellement qu'on finit par se dire qu'au fond, c'est peut-être même juste qu'on soit puni. Être né différent, souvent est le seul crime qu'on ait commis. Juste à cause de nos pigments, nous on n'a pas le droit de vivre comme eux. Mais pensez-y quand même, un blanc malade est jaune, il rougit sous les coups et à sa mort il devient bleu. Moi j'aime les afros, les dreadlocks, les cheveux qui frisent, les tresses, les têtes crépues en Just For Me. Moi j'aime Malcolm, Martin Luther ou Franz Fanon. C'est pas ma faute si à l'école je me suis jamais reconnu dans Manon. Je reste un nègre ou un bougnoule, et rien ne change, je suis étranger partout. Je dérange, nègre ou bougnoule, j'encaisse ou je rebelle, c'est du pareil au même dans leurs yeux. Mais pour nous les nègres ou les bougnoules, rien ne change, alors autant se battre jusqu'au bout et les déranger.